Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet 94.2. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Et bien sûr, pour commencer, je vais vous présenter mes vœux de bonheur, de santé, d'épanouissement et puis bien sûr aussi de belles émotions musicales grâce à notre émission. Enfin, je l'espère pour cette nouvelle année 2026, que cette année vous apporte tout ce que vous attendez de la vie et vous rende heureux, on l'espère. En tout cas, on essaye de vous divertir, de vous présenter la musique classique dans cette émission et dans toute sa variété d'ailleurs, dans tous les répertoires. Et j'espère que on arrive à notre but, c'est-à-dire de vous intéresser à cette musique et peut-être d'approfondir vos connaissances, si vous la découvrez, grâce à cette émission. Allez, on va commencer avec de la harpe. Et oui, un grand harpiste, Xavier Demestre, qui est français, mais qui est membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, harpe solo de cette prestigieuse formation. Et oui, parce qu'il faut savoir que les grands orchestres, c'est un petit peu comme les clubs de foot. On retrouve toutes les nationalités, évidemment, il faut avoir le talent, pourvu qu'on ait le talent, le génie presque, pour pouvoir intégrer ce type de formation où on demande le plus haut niveau. Évidemment, le recrutement se fait dans des conditions extrêmement rudes et on a affaire à tous les grands, de nombreux concurrents qui sont effectivement d'un très très haut niveau. On va retrouver Xavier Demestre, que moi je trouve toujours intéressant, dans de la musique espagnole, une pièce de Manuel de Falla, la danse espagnole numéro 1. Thank you. espagnol de Manuel de Falla, danse espagnole numéro 1 avec Xavier Demestre, et puis les castagnettes. Hein. Vous aurez remarqué que ça donne tout de suite un relief particulier à cette musique et ça ajoute évidemment l'aspect un peu espagnol de la musique de Manuel de Falla. C'est superbe hein, à la harpe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une harpe? C'est magnifique les transcriptions pour harpe. Et on continue avec Pleyel. Alors si je vous dis Pleyel, vous pensez à quoi? Éventuellement, la salle parisienne, salle de concert tout à fait prestigieuse. Vous pouvez aussi penser au piano Pleyel de belle facture, et puis aux éditions Pleyel, qui ont été longtemps des éditions de partitions. Puis enfin, bien sûr, au compositeur Ignace Pleyel, 1757-1831, qui était français. Il a vécu à Strasbourg, mais il était autrichien à la base, mais il est devenu français par la suite. Il a vécu à Strasbourg, il a eu pour maître Franz Xaver Richter. Et puis à Paris, pendant la Révolution, il a plusieurs fois failli être guillotiné. Il s'en est toujours sorti en écrivant des hymnes révolutionnaires. Et c'est vrai qu'au début du 19e siècle, Pleyel jouissait d'une forte popularité à travers l'Europe. Il avait été un élève de Haydn, c'était déjà une garantie d'avoir un grand compositeur en face de soi. Et puis à Paris, bah, il a fondé sa maison d'édition, laquelle a duré pendant 40 ans à peu près. Et il a publié 4000 ouvrages quand même, incluant la musique de son temps. La musique contemporaine de Pleyel, c'était Beethoven. Mais il a aussi édité Clementi, Haydn, bien sûr son maître Boccherini. Et il a aussi créé une fabrique de pianos qui porte encore son nom aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore des pianos Pleyel qui sont fabriqués, mais enfin, c'est une marque de piano qui existait il y a encore peu. Hein. Et bon, on va écouter une symphonie de ce compositeur. Il a écrit des symphonies tout à fait intéressantes. Je vous propose le menuet de sa symphonie en Do majeur, interprété par l'ensemble Capella Istropolitana, que dirige Uwe Grodd. Un extrait de la symphonie en Do majeur de Ignace Pleyel, le Menuetto, interprété par l'orchestre Capella Istropolitana, que dirigeait Uwe Grodd. Un peu de Johann Strauss fils. Oui, on aime bien écouter cette musique au moment du Nouvel An. La Chauve-souris, c'est une opérette en trois actes de 1874. C'est la reine des opérettes, cette Chauve-souris. C'est peut-être l'une des opérettes les plus célèbres et qui s'inspire d'un vaudeville de Meillac et Halévy qui est nommé Le Réveillon. Alors Johann Strauss y déploie toute la légèreté et l'entrain qui fit sa renommée. C'est une œuvre qui a été créée à Vienne avec un succès considérable et c'est vrai que cette joyeuse chauve-souris se déroule dans la même ville à la fin du 19e siècle. Elle met en scène une intrigue avec toutes sortes de quiproquos. Rosalind, l'épouse d'Eisenstein, elle est courtisée par son ancien amant Alfred et parce qu'il a insulté un garde champêtre, Eisenstein est condamné à passer 8 jours de prison. Et avant de s'y rendre, il décide de faire un petit tour à la soirée que donne le riche prince Orlovski, sans que sa femme n'en sache rien. Et au moment de partir, eh bien, la police arrive et malheureusement, elle emmène Alfred à la place d'Eisenstein, donc l'amant qui courtise sa femme, l'ancien amant. Et le deuxième acte nous plonge au cœur de la somptueuse réception organisée par le prince Orlovski. Et bon, tous les participants se retrouvent masqués sous différentes identités. Et il y a aussi l'espiègle Adèle, qui est la servante de Rosalind, et Rosalind elle-même, qui est déguisée en comtesse hongroise et qui reçoit les hommages empressés de son Eisenstein de mari. Bien sûr, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Et tout le monde célèbre sa majesté champagne, les convives achèvent brillamment la soirée, et le lendemain, ben, la supercherie est mise à nu, tous les fêtards restés en prison... sortent évidemment, et c'est le temps d'une joyeuse conclusion. Voici l'ouverture très célèbre de La Chauve-souris de Johann Strauss fils, enregistrée en 2002 lors du concert du Nouvel An. C'était le regretté Seiji Ozawa qui dirigeait l'Orchestre philharmonique de Vienne. L'enthousiasme du public viennois pour cette ouverture de la chauve-souris de Jan Strauss-Fils. C'était le concert du Nouvel An 2002, dirigé par le regretté Seiji Ozawa, quel chef d'orchestre extraordinaire il était. C'était vraiment pour moi l'un des meilleurs chefs de la seconde moitié du XXe siècle qui en compte tant. Et voici le moment de notre rubrique des grands pianistes du XXe siècle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Radu Lupu. Ah oui, c'est un nom qui peut prêter à rigoler, mais c'est vraiment l'un des très très grands pianistes aussi du XXe siècle. Il était né à Galati en 1945, c'est en Roumanie. Première leçon de piano à 6 ans, début à 12, Et puis, il s'est perfectionné avec la professeure de Dinu Lipati, grand pianiste. Hein. Et à partir de 1963, il est boursier au conservatoire de Moscou. Et il remporte le prix, le concours Van Cliburn en 66, le concours Enescu en 67. Mais il reste quand même élève au conservatoire de Moscou jusqu'en 1969. La même année, il remporte le concours de Leeds en Angleterre et donne son premier récital à Londres, immense succès. Et depuis, il a mené une carrière internationale avec les chefs et les orchestres les plus éminents, l'orchestre de Cleveland, Chicago, Los Angeles, des chefs comme Barenboim, Giulini, etc. Et il a donné bien sûr énormément de récitals pour piano seul, avec une prédilection pour les œuvres de Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann et Brahms. On va l'écouter dans Beethoven, le final de la sonate numéro 14, dite Clair de lune, Radu Lupu. Thank you. Le final de la sonate au clair de lune numéro 14 de Beethoven, joué par Radu Lupu. Vous écoutez Radio Fadjet, c'est donc votre émission discothèque classique de 11h à midi, tous les samedis et dimanches. Et on continue avec un concerto pour violoncelle, celui de Schumann. Ah, il n'y a pas eu tant que ça de concerto pour violoncelle au XVIIIe siècle. Il y a ceux de Boccherini, bon, auparavant ceux de Vivaldi. Et puis, Haydn a laissé aussi quelques concertos pour violoncelle. Mais si on cite les grands compositeurs, les génies comme Mozart, Beethoven, Schubert, etc., ils ne se sont pas intéressés malheureusement aux concertos pour violoncelle. En tout cas, ils n'en ont pas laissé, même si Beethoven a composé des sonates pour violoncelle et piano. Et bon, c'est un peu dommage quand même, parce que cet instrument mérite vraiment d'avoir des concertos. C'est un instrument qui sonne magnifiquement face à l'orchestre. Et au XIXe siècle, Schumann, lui, a composé un concerto pour violoncelle, qui reste l'un des standards du répertoire, une œuvre magnifique, composée en 1850, à une époque où Schumann traverse encore des crises terribles. On sait qu'il mourra interné dans un asile psychiatrique. Et déjà, la maladie est là. Il va se jeter dans les eaux glacées du Rhin un jour d'hiver pour se suicider. Et puis, il sera repêché par des bateliers. Il s'en sortira pour ce coup-là, mais il mourra quelques années plus tard dans des délires et voilà, donc terribles, laissant sa veuve Clara Schumann, immense pianiste et compositrice, seule avec ses enfants, et puis son ami Johannes Brahms, qu'il avait vraiment reconnu comme l'un des grands génies de la musique très très tôt, Schumann. Et voilà, donc un destin singulier que celui de Robert Schumann, le compositeur. Allez, on écoute un peu de ce concerto pour violoncelle. J'ai choisi la version magnifique de Yo-Yo Ma en soliste, et puis l'orchestre symphonique de la radio bavaroise est dirigé par Sir Colin Davis. Thank you. un petit extrait du premier mouvement du concerto pour violoncelle de Robert Schumann, interprété par Yo-Yo Ma au violoncelle. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise était dirigé par Sir Colin Davis. Et un peu d'Offenbach maintenant, une des pièces les plus célèbres d'Offenbach, la barcarolle des Contes d'Hoffmann. Alors vous allez reconnaître, parce qu'on l'entend dans le film de Roberto Benigni, La vie est belle, c'est une des pages les plus célèbres, comme je le disais, d'Offenbach, qui fut surnommé le Mozart des Champs-Élysées, et qui, à l'époque de Napoléon III, était la coqueluche du tout Paris. Et bon, cet opéra fantastique en trois actes, évidemment, dénote un peu par rapport au reste de la production d'Offenbach, parce qu'il était plutôt spécialisé dans les opérettes, la vie parisienne, la Belle Hélène, etc. Mais ces contes d'Hoffmann révèlent une facette un peu inconnue de son génie à Offenbach, celle du tragique et de l'amour impossible. Voici cette barcarolle des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, chantée par Huguette Tourangeau, John Sutherland, le chœur orchestre symphonique de la radio de la Suisse romande, et dirigé par Richard Boninge. Ça figure bien sûr parmi les grands airs d'opéra que l'on aime réécouter. C'était la barcarolle des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, avec l'orchestre Le Chœur de la Suisse romande dirigé par Richard Boninge. On a entendu les voix de John Sutherland et Huguette Tourangeau. On reste à l'opéra avec tout autre chose, Guillaume Tell de Rossini. Alors ça, c'est un ouvrage qui est le plus long des opéras de l'histoire, puisqu'il dure plus de 4 heures, et évidemment un immense succès, même si, quand il a été donné dans certains pays, certains y ont vu des revendications nationalistes. Il est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient sous domination autrichienne, et ça n'a pas toujours été bien perçu. On a cru qu'il s'agissait aussi de faire passer un message à travers des opéras. Guillaume Tell, c'est le dernier opéra de Rossini. Il ne composera plus par la suite, même s'il lui reste plusieurs décennies à vivre. Et il s'éloigne complètement du bel canto avec cet ouvrage. Évidemment, l'ouverture est très célèbre. On l'entend souvent dans les dessins animés lorsqu'il y a des courses-poursuites. Ça se tient tout à fait à ce genre de situation cocasse. Je vous propose de l'écouter, tout au moins un extrait de cette ouverture avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin que dirige Herbert von Karajan. Thank you. Discothèque classique, votre magazine classique sur Radio Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. C'était l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. On change d'ambiance avec les moments musicaux Deutsch 780 de Franz Schubert, joué par Radu Lupu, qu'on a écouté tout à l'heure dans Beethoven. Et là, on le retrouve dans Schubert parce que c'était vraiment au cœur de son répertoire. Et il avait une conception vraiment très particulière de cette musique parce qu'il savait mettre en lumière toute la poésie de la musique de Schubert et en révéler la mélancolie, une atmosphère un peu crépusculaire dans ces morceaux, ces six morceaux que constituent les moments musicaux. C'est une interprétation parmi les meilleures, à mon sens, de la discographie. Alors voici le quatrième moment musical de Franz Schubert, Deutsch 780, joué par Radu Lupu. Thank you. Quatrième moment musical de Franz Schubert, Deutsch 780, joué par Radu Lupu. Et on va terminer l'émission avec un peu de Brahms, les variations sur un thème de Haydn, un thème qui d'ailleurs n'est pas de Haydn, mais à l'époque de Brahms, on croyait que... Allez, on écoute cette conclusion, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, que dirige Herbert von Karajan. Thank you. première œuvre symphonique de Johannes Brahms, c'est déjà quelle maîtrise évidemment de l'orchestre, les variations sur un thème de Haydn de Johannes Brahms avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan. Ben voilà, notre émission est terminée pour aujourd'hui, mais vous le savez bien sûr maintenant, et ben on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique sur Radio Fadjet 94.2. Et bien merci de nous écouter et à demain.